Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 19. Des conséquences de l'union hypostatique quant aux opérations du Christ. Deux opérations dans le Christ, unité de son opération humaine, plus grande qu'en nous, mérite des opérations du Christ pour lui-même et pour nous. 1. La divinité et l'humanité n'avaient-elles dans le Christ qu'une seule opération? Les monothélites, qui n'admettaient dans le Christ qu'une seule volonté, n'y voulaient aussi reconnaître qu'une seule opération. Ils se trompaient, bien que la nature divine se servît comme d'un instrument des opérations de la nature humaine, et que celle-ci, de son côté, participa à l'opération de la nature divine, comme l'instrument participe à celle de l'agent principal. Les deux natures avaient leur fonction spéciale. Chacune des deux natures, écrivait le pape Saint Léon à Flavien, accomplissait ce qui lui était propre, avec le concours de l'autre, le Verbe faisait les actions propres au Verbe, et la chair les actions propres à la chair. Si nous disions que la divinité et l'humanité n'avaient dans le Christ qu'une seule opération, il s'ensuivrait, ou bien que la nature humaine était privée de sa vertu propre, car on ne saurait dire cela de la nature divine, ou bien que, de la vertu divine et de la vertu humaine, il s'est formé une seule vertu. Dans le premier cas, la nature humaine, avec une telle privation, serait imparfaite. Dans le second, il aurait confusion dans les natures. C'est donc avec raison que l'opinion des monothélites fut condamnée en ces termes par le sixième concile général. Nous proclamons, à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre vrai Dieu, qu'il y a en lui deux opérations naturelles, indivisible et inconvertible, non confondue et cependant inséparable, l'opération divine et l'opération humaine. Note. Considérée comme instrument de la divinité, la nature humaine dans le Christ n'a pas une opération autre que celle du Verbe, la divinité et l'humanité accomplissent la même rédemption. Considérée comme réelle et distincte, elle a son opération propre, et cependant chaque opération, comme marcher et guérir, numériquement une, est accomplie en même temps par le Christ, chacune des deux natures agissant avec la participation de l'autre. Fin de la note. 2. Y a-t-il dans le Christ plusieurs opérations humaines? On appelle proprement humaines les actions qui procèdent de la raison par la volonté. Toute autre action de l'homme ne saurait être ainsi appelée sans une restriction quelconque. Aussi n'y a-t-il en nous qu'une seule opération vraiment humaine, quoiqu'il y en ait plusieurs autres dans les parties sensitives et corporelles de notre nature. Pour ce qui est du Christ, nous devons observer que ces dernières opérations, non réellement humaines en nous, l'étaient beaucoup plus en lui, où tous les mouvements de la partie sensitive étaient entièrement conformes à la raison. C'est pourquoi l'unité d'opération a existé en lui beaucoup plus que dans tout autre homme. 3. Les actions humaines du Christ ont-elles pu être méritoires pour lui-même? L'apôtre dit, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et c'est pour cela que Dieu l'a exalté. Philippiens 2, 8. Posséder un bien mérité est une chose plus noble que de le recevoir sans l'avoir mérité. Si ce principe est vrai, le Christ, en qui l'on doit reconnaître toute perfection et toute noblesse, a dû obtenir par ses mérites ce que nous obtenons par les nôtres, à l'exception de certaines prérogatives, dont la privation eût été plus préjudiciable à sa perfection et à sa dignité qu'il ne lui était glorieux de les mériter. Il n'a mérité ni la grâce, ni la science, ni la béatitude de l'âme, ni la divinité, mais il a mérité par sa charité la glorification de son corps, son ascension, le culte dont il est l'objet, et tous les avantages qui ont rehaussé son éclat extérieur. Il n'y a donc pas lieu de douter qu'il ait pu mériter quelque chose pour lui-même. 4. Le Christ a-t-il pu mériter pour les autres? Écoutons saint Paul. De même que, par le péché, tous les hommes sont tombés dans la condamnation, de même, par la justice d'un seul, tous reçoivent la justification qui donne la vie. Romains 5, 18. On voit par là que, comme le démérite d'Adam s'est répandu sur les hommes pour leur condamnation, ainsi le mérite du Christ leur est transmis pour leur justification. Nous l'avons reconnu, la grâce était dans le Christ, non seulement comme dans un individu, mais surtout comme dans le chef de l'Église, auquel tous les hommes sont unis, pour ne constituer qu'une seule personne mystique. Il en résulte que le mérite du Christ s'étend à tous ses membres, ainsi, chez chacun de nous, l'action exercée par notre tête appartient en quelque sorte à notre corps tout entier. Note. Le mérite du Christ, constitué par Dieu le chef de tous les hommes, passe à tous ses membres par la grâce. Il est transmis d'abord par la régénération spirituelle du baptême, qui incorpore les hommes au Christ lui-même. Selon cette parole de l'apôtre, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Galates 3, 27. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.